j'ai le flow, la paramine. J'arrive dans la place, tous les faux MC, j'les carabine. Y'a pas de coke dans mes narines, FLX, la chevrotine. Y'a que les vrais qui savent, et ouais, ça se calcule dans la rétine. J'arrive et je kill, kill, tu connais les kinky. Oreille et music, je taffe, mais j'veux pas être kinky. Je veux juste du bif, bif, juste un peu d'oseille, hey. Alors je m'acharne, histoire de voir si ça peut faire, frère. Alors je m'acharne sur le microphone pour faire faire tous ces faux. Alors on s'acharne, alors on se saigne pour monter le niveau. Je débarque sur le beat avec une Guinness et un putain de flow. FLX d'Afrique avec Goros et Tom de l'acide clone. Et ouais, on taffe grave, évacue notre âge grâce au Roden TK et à ce spliff de taille grasse. C'est dans le regard, gars, seuls les vrais le savent ça. Marque au fond de mes yeux, tu verras que mon cœur est brave, brave. Y'a que les vrais qui savent, tu peux pas nous la faire. Y'a que les vrais qui savent, c'est qu'avec Dabs et White Weezy. Y'a que les vrais qui savent, on fait notre buzz, frère. Y'a que les vrais qui savent, sur des talents, on fait ça easy. Y'a que les vrais qui savent, tu peux pas nous la faire. Y'a que les vrais qui savent, c'est qu'avec Dabs et White Weezy. Y'a que les vrais qui savent, on fait notre buzz, frère. Y'a que les vrais qui savent, sur des talents, on fait ça easy. Il est temps de faire parler la poudre, moi je suis venu te douler. Les problèmes, mon grand, faut les résoudre. Mais pas se décourage tous les jours, plus de coups de foudre. Les femmes de l'homme, ils s'éveillent. Touillou, t'es prêt à tout pour le flouze. On court pour la vie de l'homme. Mes frères, ils savent, les soucis te pèsent. Alors tu poses les armes, mais non, cause il faut se battre. Y'a trop de choses qui fâchent. Fâche nous faucher ou le mec qui paye avec des poches. Ceux qui savent, on la fâcheuse manie de pas faire les choses à moitié. Demain, tu me battras, c'est pour ceux qui savent. Moi j'écoule les savais, alors tu le sais pas. Moi ça m'a dit qu'on est plus la volaille, mais qu'on arme les clés, oui, t'as oublié de fouiller. Les flèques abîmées dans la vie ou vendeur de CC. J'ai oublié de vivre les soucis, les problèmes, ça coûte ça. Si y a plus rien que tu gères. Finir accompli, non merci, c'est déjà la termine. La mise, c'est Yves Saint Laurent, ça sur Gucci. Les vrais savaient les aloutés. Le pour avoir à manger, qu'il y a trop de distance. Mais seul ou pas, j'ai la santé, l'arraché, tout je mange avant. Y'a que les vrais qui savent, tu peux pas nous la faire. Y'a que les vrais, c'est qu'avec Dabs et White Weezy. Y'a que les vrais qui savent, on fait notre buzz, frère. Y'a que les vrais, sur des talents, on fait ça easy. Y'a que les vrais qui savent, tu peux pas nous la faire. Y'a que les vrais, c'est qu'avec Dabs et White Weezy. Y'a que les vrais qui savent, on fait notre buzz, frère. Y'a que les vrais, sur des talents, on fait ça easy. Hello, mesdames et messieurs, le rap c'est ma mission. J'ai pas la tête dans les cieux, mais je tracerai mon sillon. Maintenant fais place à l'artiste avec de temps en temps un art. Tristan art, titu qui te brise malgré tout ce que c'est connard. Disparaît, sinon je serai obligé d'autofant. C'est offensif, pensif, agressif. On sait que dans le fond, c'est pour nos sauts. C'est la passion qu'on fait, c'est écoute ce rap français. L'essence est pensée, conséquence, c'est du gros son de sang. C'est, on est là, c'est du lourd, on est sérieux. On est pas là pour déconner. Les jaloux deviennent souris, saigneux. On est là pour les détrôner. Le savoir est une arme, et seuls les vrais s'arment. Prends pas ton air étonné, tu sais bien que seuls les vrais savent. Je vais pas dire qu'on a pas la dalle, mais à la base on tape que pour les braves. Vas-y, fais tourner la balle pour shooter tous les faux qui bavent. Tous les vannes sont en kiff, c'est encore un saut pour ma clique. Capé le mélancolique et ça seul, les vrais le savent. Y'a que les vrais qui savent, tu peux pas nous la faire. Y'a que les vrais, c'est qu'avec Dabs et White Weezy. Y'a que les vrais qui savent, on fait notre buzz, frère. Y'a que les vrais, sur des talents, on fait ça easy.